bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Catherine, vous évoquiez le décès de Diego Maradona, oui, avec ses sentiments incroyables autour de ce personnage, de l'amour, oui, sans doute de l'amour, un amour très particulier. L'amour qui nous intéresse ce matin dans le cours de l'histoire est romantique, un tantinet torturé. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Souvent, sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Quand il écrit son poème « L'isolement » en 1820, Alphonse de Lamartine n'est pas sur la montagne à l'ombre du vieux chêne pour cueillir des champignons. Non, il pleure l'être aimé. Je promène au hasard mes regards sur la plaine dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce dans un lointain obscur. Ah tiens, au passage, nous remarquons la sublime allitération. Serpente et s'enfonce dans un lointain obscur. Très très beau poème. Hein. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. Loin de la figure d'un amoureux transi et torturé, quelle est la portée de la poésie romantique, celle qui a marqué le 19e siècle? Fleuve, rocher, forêt, solitude si chère. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le romantisme nous manque-t-il? Bien non, car il n'a jamais disparu. Et à la suite de Victor Hugo, disons que le romantisme est toujours là. Hugo, lui, disait « On n'a jamais parlé autant du romantisme que depuis que l'on dit « le romantisme est mort ». Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du sentiment amoureux, de l'amour antique, car Eros a plus d'une flèche à son arc, jusqu'au troubadour et au trouvert pour les chants de l'amour courtois, et puis aussi les liaisons dangereuses de Marie-Antoinette, des émissions à écouter, à podcaster pour la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, c'est franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, le romantisme entre amour et convention. Avec vous, Alain Vaillant, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la littérature française, spécialiste du 19e siècle, professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre, notamment l'auteur de L'amour-fiction, discours amoureux et poétique du roman moderne, c'est auprès universitaire de Vincennes, et puis d'un ouvrage paru au CNRS Éditions intitulé « Qu'est-ce que le romantisme ?» Ah ben formidable, un tel titre d'ouvrage, Alain Vaillant, car je vous pose la question. Qu'est-ce que le romantisme ? Vous pouvez me dire, c'est indéfinissable. Non, je vais essayer de le définir tout de même. Mais c'est vrai que c'est un mot que l'on emploie toujours sans mettre une signification précise derrière la notion. Comment dire, je vais le faire vite, rassurez-vous. Le romantisme désigne dans la société occidentale toute une sorte d'utopie, l'utopie d'une synthèse harmonieuse entre l'idéal et le réel, l'absolu et le relatif, le spirituel et le matériel. Chaque fois qu'il y a l'idée de conjoindre ensemble l'intelligible et le sensible, enfin ce qui est immatériel et ce qui est matériel, on est dans le romantisme. Alors ce romantisme peut se déployer sous différentes formes. Il est d'abord religieux. Le romantisme, au fond, est une forme laïcisée de la culture chrétienne, de cet idéal dualiste entre l'âme et le corps. Il peut être politique aussi. Chaque fois qu'un homme politique veut réaliser l'idéal qu'il porte en lui et qu'il propose sur le terrain concret de la politique, il est romantique. Et il est amoureux chaque fois que l'amour aspire à une sorte de rencontre idéale du corps et de l'esprit, hein, du désir et du sentiment. Alors c'est du romantisme au carré parce que c'est non seulement la synthèse entre l'esprit et le corps, mais entre deux esprits et deux corps, parce qu'il faut être deux pour que l'amour romantique se réalise. Avec ce mot l'idéal, cette quête de l'idéal qui va nous conduire dans le cours de l'histoire aujourd'hui. Alain Vaillant, il faut toujours contextualiser l'apparition de ces réflexions, de ces mouvements. Alors en l'occurrence, la littéraire, mais pas seulement. Évidemment, la peinture peut être romantique. Et puis, il y a même une manière d'être romantique. Alain Vaillant, nous nous trouvons à quel moment? Une naissance à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre? Oui, on peut dire au XVIIIe siècle en Angleterre et puis ensuite en terre allemande. Comme je l'ai dit rapidement, le romantisme en fait peut être rattaché à deux choses. Alors, d'un point de vue d'histoire des idées, il appartient à une forme d'individualisation, d'intériorisation du sentiment religieux, parce que le romantisme est lié à la sphère religieuse à l'origine. Et on peut dire en effet que le romantisme est dans le prolongement de ce mouvement d'individualisation du religieux qu'a manifesté, qu'a représenté la réforme à partir de la Renaissance. Et c'était pas un hasard si le romantisme naît en terre protestante, et lorsque les classiques, la critique classique au XIXe siècle voulait dire du mal du romantisme, on disait le romantisme c'est le protestantisme en littérature, et cet argument anti-protestant et anti-romantique a été repris par toute la tradition maurassienne au XXe siècle. Et puis d'autre part, d'un point de vue d'histoire sociale, puisque le romantisme suppose en quelque sorte l'individualisation de l'idéal, il est lié, disons, à la société libérale bourgeoise occidentale à partir du XVIIIe siècle, d'abord en Angleterre, qui de ce point de vue-là est en avance sur l'Europe continentale, et ensuite sur le continent, en France, en Italie, en Espagne, etc., avec toujours ces deux variantes du romantisme qu'ont représenté le romantisme en terre protestante et le romantisme en terre catholique, compte tenu du fait que l'intériorisation justement du sentiment religieux, de l'idéal, se formule de façon très différente compte tenu de traditions théologiques et religieuses différentes. Chercher les bornes chronologiques du romantisme, c'est un peu comme jeter une pierre dans l'eau d'un lac, pourquoi pas celui de Lamartine. Il y a un début, et puis après, il y a tous ces cercles concentriques, et ça rayonne, et ça rayonne. Alors, la fin du romantisme est beaucoup plus complexe. Je considère qu'il est toujours présent, le romantisme. Et pour nous évoquer les répercussions du romantisme sur la manière de concevoir l'amour, avec nous également dans le cours de l'histoire, Camille Hissler, bonjour. Bonjour. Agrégée, doctorante en lettres modernes à l'université Sorbonne Nouvelle. Dites-nous, Camille Hissler, vous rédigez une thèse sur René Vivien, une poétique sous influence. Il y a un point d'interrogation d'ailleurs. Rappelez-nous, qui était René Vivien? Alors, René Vivien, c'est une poétesse de la toute fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, en fait, vraiment au croisement entre ces deux siècles-là, puisqu'elle est née en 1877 et morte en 1909, donc à l'âge de 32 ans. Donc c'est un moment de la littérature où le romantisme a déjà un peu de bouteille, et elle a un rapport au romantisme qui est celui, en plus, d'une femme née en Angleterre, qui est d'origine anglaise. Donc il y a un rapport assez différent au romantisme anglais et au romantisme français. Donc elle est née en Angleterre, elle s'est installée ensuite à Paris et a écrit quasiment exclusivement en français toute son œuvre. Elle a publié son premier recueil en 1901, le dernier donc en 1909. Donc elle a fait une œuvre entre les deux très dense, puisque en seulement 8 ans, elle a publié plus d'une dizaine de recueils de vers et de prose, plusieurs romans et des recueils de nouvelles aussi. Donc elle hérite évidemment des influences romantiques, mais elle est aussi à un moment de croisement, de synthèse entre le romantisme, le symbolisme, le décadentisme, l'art nouveau. Donc c'est une période assez complexe de ce point de vue. Et elle est aussi la première, une des premières en France à écrire une poésie ouvertement lesbienne, ce qui, dans la pensée du romantisme et dans la pensée de fusion justement entre le réel et l'idéal, qui est bien souvent aussi une fusion entre l'homme et la femme, dans un point de vue très hétérosexuel, va poser problème dans l'établissement d'une poétique à la fois ancrée au siècle et forcément marginale et oblique. Ancré dans le siècle, et c'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, comprendre comment le romantisme, comment le sentiment amoureux se transforme au XVIIIe siècle, au XIXe siècle surtout, et puis encore au XXe siècle, c'est le cas de René Vivien. Je vous propose de retourner justement en Angleterre. Nous allons à la rencontre de John Keats, grand poète, et là, Alain Vaillant, vous allez nous en parler longuement, mais nous allons le rencontrer à travers le film Bright Star de Jane Campion. C'est un film de 2009 où, attention, John Keats écrit une lettre d'amour à Fanny. Ma bien-aimée, je suis en cet instant à la fenêtre d'un charmant cottage donnant sur un beau paysage vallonné, avec une vue sur la mer. La matinée est très belle. Je ne sais à quel vagabondage se livrerait mon esprit, ni quel plaisir j'aurais à vivre ici si votre souvenir ne pesait ainsi sur moi. Demandez-vous, mon amour, si vous n'avez pas été cruel de m'avoir ainsi envoûté et privé de ma liberté. Quant à moi, je ne sais comment exprimer ma dévotion à une si belle créature. Il me faut un mot plus éclatant qu'éclat, un mot plus beau que beauté. Je rêve que nous sommes des papillons, n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec vous, ces 3 jours seraient plus plaisants que 50 années d'une vie ordinaire. je rêve que nous sommes des papillons », s'écrivait John Keats quand il rédigeait une lettre d'amour à Fanny Brawne, et l'extrait vient du film de Jane Campion. Dites-nous, Alain Vaillant, que se passe-t-il en Angleterre au XVIIIe siècle pour que quelques esprits orientent leur amour dans une fusion complète du corps, de l'esprit ? Voilà, c'est une question compliquée. Je dirais que le romantisme anglais, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, et la rencontre d'un imaginaire religieux, d'esprit habité par le sentiment de la transcendance religieuse, un sentiment religieux qui se tourne aussi vers la contemplation de la nature. Le romantisme anglais est très, très inspiré par la beauté immatérielle des paysages de la nature, des oiseaux, des plantes, des arbres, des fleurs. Et puis aussi, il ne faut pas oublier non plus que ce romantisme anglais fin XVIIIe siècle est aussi profondément impressionné par la Révolution française. Il y a un effet de réverbération de la Révolution dans la société anglaise. Si bien que le romantisme anglais, enfin, est une notion d'ailleurs qui apparaît tardivement, fin 19e siècle, et elle est aussi liée au regard que l'Angleterre porte sur le continent que sur son évolution propre. Et il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de ce qu'on appelle des romantiques anglais, comme Walter Scott, comme Byron, ont des liens avec l'Écosse, et que le romantisme a été aussi un moyen d'affirmation d'une identité nationale écossaise au moment où l'Écosse a été vaincue par l'Angleterre. Parce qu'une chose que je n'ai pas dite, c'est que si on veut essayer de délimiter le romantisme historiquement, il ne faut jamais oublier qu'il est lié profondément à l'affirmation des nations, des identités nationales. Et en quelque sorte, on a déporté le sentiment religieux vers l'espace national et vers l'espace littéraire. C'est un peu aussi ce déport qui caractérise le romantisme. Alors le texte de Keats que vous avez lu, on pourrait lire aussi beaucoup d'autres poèmes de Coleridge ou autres, représente bien cette sorte de spiritualisation du sentiment amoureux qui représente pour nous l'amour romantique. Mais on oublie toujours que l'amour romantique implique aussi la profonde émotion de l'amour physique. Ce n'est pas seulement un amour spirituel. Je dirais qu'il y a un amour romantique qu'on imagine totalement éthéré, mais le romantisme, c'est véritablement revendiquer la possibilité d'un absolu amoureux qui soit à la fois celui de l'esprit et celui du corps. Autrement, c'est de l'amour platonique. Et donc, je voudrais insister sur cette dimension charnelle de l'amour romantique qui est assez loin de l'image que l'on s'en fait aujourd'hui. Mais vous avez raison, Alain Vaillant, d'insister sur cet aspect-là, parce qu'il permet de comprendre comment le romantisme est en rupture avec la manière de parler d'amour au XVIIIe siècle. Pour caricaturer, c'est vrai qu'il pouvait y avoir une vision très éthérée de l'amour dans certains discours, et puis à côté, alors, une littérature gigantesque au XVIIIe siècle, celle qui frôle la pornographie. Hein, le côté libertin, l'esprit érotique était aussi une forme de littérature. Le romantisme s'écarte en fait de ces deux mouvements. Oui, c'est exactement cela. C'est une image que je prends souvent. Au XVIIIe siècle, soit on exalte l'amour de Dieu, soit on exalte les soirées libertines dans les maisons de plaisir parisiennes. L'amour romantique, c'est refuser cette séparation. C'est une sorte d'idéal. Alors, qui pose aussi la question du rapport entre les hommes et les femmes. Ça a déjà été évoqué, mais en grande partie, le discours romantique... Au XIXe siècle, le discours romantique est tenu surtout par des hommes, et c'est au fond une certaine manière de parler d'amour aux femmes, parce qu'elles attendent un discours très spiritualisé, parce que la libération des sexuelle n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes, et on a pu considérer, c'est ce que dit Flaubert et la plupart des post-romantiques au XIXe siècle, que cette idéalisation de l'amour est une sorte de mensonge qui permet à l'homme de garder l'emprise sociale sur la femme, parce que paradoxalement le XIXe siècle est quand même une des époques où les rapports entre les hommes et les femmes ont été les plus inégaux dans le cadre de la société bourgeoise de l'époque. Donc il y a toute une part du romantisme qui est très loin de ce que l'on met derrière ce mot, mais qu'il faut dévoiler parce qu'elle est fondamentale. Cette lecture genrée est fondamentale. Camille Isler, vous faites partie notamment du collectif Les Jaseuses. Quel est ce collectif ? Alors, c'est une association qu'on a fondée il y a un peu plus d'un an. dans laquelle on a pour objectif de travailler sur la littérature, en particulier écrite par les femmes, pas uniquement la littérature, d'ailleurs la littérature et les arts en général. Et puis dans une optique qui est celle de faire de la recherche de manière un peu plus horizontale et de s'intéresser au genre à l'intérieur de nos recherches au quotidien. Et donc dans le genre, nous sentons l'importance qu'il y a à porter sur la littérature du 19e siècle, sur ce romantisme. Est-ce que vous notez ce regard obligatoirement genré qu'il faut porter sur ces écrits d'hommes, de femmes? Parce que nous avons avec le romantisme quelque chose qui est très lié à des individus. Un poète, alors nous parlons de Lamartine, il y a Madame de Staël, mais ils s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus vaste. Est-ce qu'il y a des ruptures très nettes entre la manière d'écrire pour une femme ou pour un homme dans ce mouvement romantique? Alors nécessairement, pour le cas de René Vivien, le fait d'être une femme et le fait d'être en plus lesbienne va poser un certain nombre de problèmes. De problèmes auxquels elle va essayer d'amener des solutions, évidemment. Comme Alain Vaillant le disait, cet idéal de fusion entre le réel et l'idéal, il est aussi un idéal de fusion entre le sensible et l'intelligible, le sensible étant du côté des femmes et l'intelligible étant du côté des hommes au XIXe siècle. Donc nécessairement, pour René Vivien, il va y avoir un problème, puisque dès lors qu'on est dans une relation homosexuelle, cette fusion entre le sensible et l'intelligible devient compliquée. D'autant plus qu'elle n'a pas ce rapport religieux. Alors évidemment, elle est de culture anglaise, donc elle a grandi dans une religion anglicane, mais elle se tourne résolument vers le paganisme. Et donc son idéal de fusion à elle est davantage du côté de l'androgyne primordial, qui d'ailleurs est une figure qui parcourt tout le romantisme et tout le XIXe siècle. Mais elle va renouveler fondamentalement cette vision de l'androgynie et de la figure de l'androgyne, puisque il n'est plus possible dans une relation lesbienne d'imaginer cette réunion entre le sensible et l'intelligible comme une réunion entre femmes et hommes. Et de fait, le fait de cantonner les femmes au sensible, c'est aussi une manière de les cantonner à l'absence de création. Et dès lors qu'on écrit et qu'on crée, il va bien falloir admettre que l'intelligible est aussi du côté des femmes. Et donc il va falloir réinventer un peu cette fusion. Chez elle, non seulement le sensible et l'intelligible sont tous les deux du côté des femmes, mais en plus il n'y a pas cette idée de tension qu'il peut y avoir dans la poésie masculine envers l'être aimé qui serait à la fois infiniment désirable et infiniment haïssable. Puisque les hommes n'existent pas en fait dans la poésie de René Vivien, ils existent très peu et ils représentent ce qu'il reste une fois qu'on a pris le sensible et l'intelligible, c'est-à-dire globalement pas grand-chose. Les appétits, la violence, la bestialité. Et donc la poésie va avoir pour but au contraire de tendre vers une androgynie qui serait celle d'un féminin neutre, si on veut, c'est-à-dire d'un au-delà du féminin, d'un féminin qui serait débarrassé de cette violence et de la violence que les hommes ont pu plaquer sur les femmes. Et cet idéal de l'androgyne, d'ailleurs, il devient ginandre chez René Vivien. Et c'est une manière de dire aussi que l'androgynie de la poésie masculine a toujours été atteinte en faisant fi des femmes d'une manière ou d'une autre. Eh bien, elle ne voit pas tellement de problème à atteindre une forme de ginandrie qui ferait fi de la présence des hommes. Voilà, dans cette construction qui nous explorons dans le cours de l'histoire, René Vivien est intéressante hein, parce que à cette toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, nous avons ici un héritage du romantisme, ce romantisme qui pourtant se construit toujours dans des rapports homme-femme. Alain Vaillant, le romantisme, il faut un homme, il faut une femme, tel qu'il se construit durant toute une grande partie du 19e siècle. Oui, et au-delà, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit, qui est fondamental. Le romantisme qui est alliance de l'intelligence et du sentiment, l'intelligence c'est l'homme et le sentiment c'est la femme. C'est une répartition des rôles absolument caricaturale, mais qui est profondément ancrée dans le romantisme, encore une fois, et qui pose le problème d'une certaine misogynie romantique, hein, qui est au cœur quand même de la société française du 19e siècle en particulier. Il y a eu des femmes écrivains qui ont revendiqué l'inversion des rôles. Madame de Staël, c'est justement ce qu'elle veut. Elle se présente comme femme intelligente et tous ces textes autobiographiques racontent la souffrance d'une femme qui veut se faire reconnaître comme comme source de pensée intelligente et écoutée par des hommes sensibles. Elle a essayé d'inverser les rôles, et une sorte de dédain misogyne de l'histoire littéraire à l'égard de Madame de Staël est en partie, je pense, liée à cela. On pourrait aussi citer le nom de George Sand, qui elle aussi a mené le même combat, et en Angleterre de George Eliot, hein, dont le prénom d'ailleurs est emprunté à George Sand. Donc il y a une vraie question qui est ce rapport entre le romantisme et la différence des sexes. Et je reviens aussi à la question de la religion, parce qu'il y a une sorte de teinte religieuse du sentiment amoureux, et romantiser le sentiment amoureux, lorsque les hommes parlent d'amour aux femmes au XIXe siècle, c'est aussi le teinter de religiosité et le sortir de sa dimension physique et corporelle et charnelle. Donc il y a une sorte d'euphémisation de l'amour et d'amour physique sous couvert de discours romantiques. Encore une fois, il y a le romantisme tel qu'il est, tel qu'on peut le définir de façon théorique et abstraite, et il y a aussi les réalités sociales et culturelles du romantisme qui sont évidemment totalement dépendantes des réalités sociales et de ce qu'est la société de cette époque. Encore une fois, je le répète, c'est cette société bourgeoise qui caractérise le monde occidental depuis le XVIIIe siècle, de façon générale. Le romantisme naît dans la société bourgeoise, mais aussi grâce à la société bourgeoise. Et pour illustrer votre propos, je vous propose d'écouter Delphine Seyrig, qui, dans le film de François Truffaut, Baiser volé, en 1968, cite le Lys dans la vallée de Balzac. Je me suis mise à ma table pour vous répondre, et puis non. Je me suis aperçue que fallait que je vienne ici tout de suite, moi-même. Bon, j'ai lu Lys dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que Madame de Mortsauf aimait Félix de Vandenesse. C'est pas une belle histoire d'amour, c'est une histoire lamentable, parce que finalement elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Delphine Seyrig dans Baiser volé de François Truffaut. Alors cette histoire d'amour, Lys dans la vallée, c'est une histoire lamentable pour Madame de Mortsauf parce qu'elle meurt. Alain Vaillant, il y a ce regard que l'on peut porter sur le romantisme avec toujours un amour mais déchiré dans la souffrance. Ça, c'est le cliché du romantisme, parce que vous insistez bien sur un romantisme qui est palpitant et qui est même sexuel parfois. Oui, lorsqu'on pense au poète romantique de l'amour, on pense moins à Lamartine qu'à Musset, Victor Hugo. Et ce sont les poètes du XIXe siècle qui disent de façon la plus charnelle et la plus passionnelle le désir physique et le rapport physique à la femme. Donc il y a vraiment un romantisme éthéré à la Lamartine. Vous avez commencé avec Lamartine, qui est emprunt encore une fois de spiritualité religieuse. Et puis il y a un romantisme des corps qui est aussi extrêmement puissant. Mais le cas du Lys dans la vallée est un cas admirable et peut-être exceptionnel dans la culture romantique, parce qu'en effet c'est un des grands romans d'amour romantique du XIXe siècle. C'est l'histoire d'un jeune homme qui aime une femme mariée catholique, donc Balzac décide qu'il ne se passera rien, donc c'est un grand déploiement d'éloquence amoureuse. Mais comme dit Delphine Seyrig, c'est une histoire pitoyable, parce qu'en réalité cette femme mariée catholique va mourir, et va mourir de frustration sexuelle. Et il y a la scène terrifiante où, alors qu'elle est en train de mourir, elle se met à tutoyer ce jeune homme qu'il aimait, Félix de Vandenesse, et qui est absolument horrifié. Comment elle me tutoie? C'est plus la femme que j'aimais. Et on se demande comment Balzac a-t-il pu inventer une histoire pareille, qui n'est rien d'autre que une histoire de répression du désir féminin dans la société de l'époque. Or, en réalité, Balzac, c'est très peu connu, à côté de la comédie humaine, a écrit toute une série de contes drôlatiques, un conte drôlatique qui sont des textes beaucoup plus libres et qui parlent essentiellement de sexualité. Et Madame de Mortsauf, qui est l'héroïne du Lys dans la vallée, devient dans ses contes drôlatiques une veuve frustrée qui a un besoin d'homme, qui passe son temps à caresser son chat, et des soldats pour plaisanter mettent dans son lit un cadavre d'un homme qui vient d'être pendu et qui a une érection au moment de la pendaison, et ça se termine en histoire totalement obscène et drôlatique de la part de Balzac. Et donc on voit très bien que Balzac savait très bien ce que racontait Ulysse dans la vallée, et ça donne à penser qu'en réalité le romantisme, le discours amoureux, était en tout cas de la part des hommes une sorte de langage de convention qui permettait de ne pas parler de ce dont on décidait de ne pas parler, c'est-à-dire la question du désir, que c'était un langage qui était admissible par la société, qui était probablement audible par les femmes qui n'avaient pas le droit et donc ne pouvaient pas entendre un autre langage. Et donc c'est une autre vision du romantisme brutalement qui s'ouvre avec cette histoire de Lise dans la vallée, qui est un très beau roman par ailleurs. C'est un très beau roman par ailleurs, et puis un roman qui est extrêmement lu. Dites-nous, Camille Isler, René Vivien, que vous avez étudié, a lu tout cela. Elle est là, à la fin du 19e siècle, héritière de toute cette littérature qu'elle connaît bien. Elle est héritière de ce regard masculin porté sur la femme, cet amour romantique construit à l'avantage de l'un, souvent davantage qu'à l'avantage de l'autre. Mais René Vivien, elle, construit sa propre vision du rapport amoureux, baignée de romantisme. Oui, alors elle écrit encore une fois d'un point de vue qui est un peu particulier, puisqu'elle écrit depuis une place qui est habituellement la place de l'objet regardé. Et notamment en tant que lesbienne, puisque les amours lesbiennes sont à l'origine d'un véritable fantasme pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, qu'elles sont représentées absolument partout, dans des positions lascives l'immense majorité du temps, et elles sont devenues presque exclusivement une émanation du fantasme masculin. Parce qu'elles sont, elles représentent en plus un idéal de stérilité qui est très très fondamental dans l'esthétique décadente et symboliste. Elles sont donc un idéal à l'inverse de la femme bassement corporelle et maternelle. Et elles sont en plus une sexualité qui se passe sans les hommes et envers laquelle ils chercheront en permanence à tenir tout de même un rôle. Donc les lesbiennes sont partout et il faut donc se réapproprier cette position-là en créant avec une double contrainte qui est d'une part le vide, l'absence de modèle, puisque le sujet poétique lesbien n'existe plus ou quasiment plus depuis Sappho, qui est 27 siècles en arrière, et de l'autre côté, le trop-plein des lectures extérieures, la surreprésentation des lesbiennes par les hommes. Donc à partir de ces contraintes, elle va essayer de trouver une voie et une place à une poétique en jouant avec un rapport à la fois de dépendance très étroit avec la tradition poétique masculine, puisqu'il n'existe quasiment que cette tradition-là, et un regard oblique et forcément révolutionnaire sur cette tradition, puisqu'elle est de fait dans une position révolutionnaire, c'est-à-dire de renversement du regard. Donc pour inventer l'amour lesbien en poésie, elle s'appuie déjà sur une filiation avec Sappho, et puis surtout sur tout un jeu de retournement des codes de la poésie masculine. D'abord en intégrant le texte de la poésie masculine à l'intérieur de sa poésie, puis en retournant complètement le sens. Par exemple, elle traduit Shakespeare, mais elle le lesbianise. Elle traduit Dante, mais elle y ajoute une portée lesbienne. Elle reprend en épigraphe de ses poèmes des citations de poètes masculins du XIXe siècle, ou avant d'ailleurs, dans des poèmes qui ensuite vont tirer vers un sens lesbien. Elle se réapproprie aussi beaucoup de figures canoniques, d'amantes mythiques, pour leur redonner la parole, pour inverser le jeu des rôles. C'est-à-dire que chez elle, l'archétype, par exemple, de la Vierge et de la femme fatale, va se transformer en un autre archétype qu'elle renvoie au masculin, qui sera celui de dire « oui, mais les hommes en poésie sont soit parasites, soit bourreaux », ce qui est exactement l'envers de la femme fatale et de la Vierge. Et puis nous allons écouter justement René Vivien, voir comment elle construit son texte, sa poésie. Nous allons l'écouter avec la voix de Tatiana Werner qui nous lit ce matin « Parole à l'ami », un texte de 1906. J'aime le jour mourant qui s'éteint par degrés, le feu, l'intimité claustrale d'une chambre où les lampes voilant leur transparence d'ambre rougissent le vieux bronze et bleuissent le grès. Vois, j'ai l'âge où la Vierge abandonne sa main à l'homme que sa faiblesse cherche et redoute. Et je n'ai point choisi de compagnon de route parce que tu parus au tournant du chemin. L'hyacinthe saignait sur les rouges collines, tu rêvais et les roses marchaient à ton côté. Je suis femme, je n'ai point droit à la beauté, on m'avait condamnée aux laideurs masculines. On m'avait interdit tes cheveux, tes prunelles, parce que tes cheveux sont longs et pleins d'odeurs, et parce que tes yeux ont d'étranges ardeurs et se troublent, ainsi que les ondes rebelles. Tatiana Werner qui lisait un poème de René Vivien dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. René Vivien, personnage essentiel, héritière d'une longue tradition d'écriture de l'amour. Comment écrire l'amour? Avec toujours cette question de la portée de l'auteur Camille Isler. Quand René Vivien écrit, est-elle beaucoup lue au début du XXe siècle? Alors, c'est une question assez complexe. En vérité, elle est assez lue, elle a un lectorat fidèle. Elle a un accueil critique mitigé, elle est globalement assez éreintée par la critique, mais elle a aussi des retours très élogieux, et parfois venus de gens assez inattendus, comme Charles Maurras, qui lui dédie un article très élogieux, dans lequel bon, il efface toute la portée lesbienne de sa poésie, mais enfin tout de même... qu'il appelle d'ailleurs le romantisme féminin, ce qui est aussi une manière quand même de ramener René Vivien vers un mouvement quelque peu suranné en 1901. Mais enfin, tout de même, il lui dédie un article très élogieux. Et la tendance du lectorat, bon, qu'on a surtout par le retour critique en vérité, a tout de même été problématique pour René Vivien et a participé beaucoup au sentiment à la fin de sa vie d'un échec poétique pour deux raisons principales selon moi. D'abord parce que sa poésie a beaucoup été lue sous un angle qui serait celui de l'imitation. Elle serait une imitatrice de la poésie masculine, et notamment de Baudelaire. On l'a appelée « fille de Baudelaire » pendant des années. Et ce reproche d'imitation, il est assez classique en vérité quand on lit de la littérature écrite par les femmes, puisque l'imitation est une qualité compatible avec le féminin, et l'invention un peu moins. Et on ne s'est pas dit à un quelconque moment de cette lecture que cette imitation pouvait être à l'origine d'un jeu de la part de René Vivien. Qu'il y avait chez elle, ce qu'on trouvait déjà d'ailleurs chez George Sand, l'idée de s'habiller des vêtements du maître et de jouer avec les codes traditionnels. L'autre retour du lectorat a été, du lectorat qui est principalement, encore une fois, critique et masculin, a été de ramener son œuvre à quelque chose d'instinctif, de non réfléchi, et de faire de René Vivien une sorte d'incarnation de cette femme damnée dont on parle déjà depuis des décennies. Et elle le dit d'ailleurs dans la suite de ce poème qui vient d'être très joliment lu, qu'elle a été pointée du doigt par des gestes irrités qui disaient « Quelle est cette femme damnée qui nous descend de l'enfer ?» Donc il y a tout un point de vue là-dessus qui est celui d'en faire un personnage de fiction plutôt qu'une créatrice. Et ce sont deux lectures qui l'ont fortement affectée, avec lesquelles elle a essayé de composer toute sa vie. Donc elle a écrit par exemple ce poème pour répondre à la critique. Elle a écrit aussi un certain nombre de passages dans son roman sur l'imitation. Elle dit l'imitateur est toujours plus beau que le créateur, donc elle se défend de tout ça. Mais globalement, elle a quand même une position assez difficile, même si elle a un lectorat fidèle et un lectorat qui va ensuite, en vérité, s'affirmer plutôt dans la postérité, à partir des années 20-30, au moment où la littérature lesbienne s'affirme, où la communauté lesbienne parisienne principalement s'affirme aussi. Et un deuxième retour, en fait, qui date plutôt d'aujourd'hui, maintenant, d'une postérité... plus tardive. Bien d'ailleurs, Camille Isler, vous faites votre thèse sur René Vivien et ce matin, nous avons une émission dans le cours de l'histoire où René Vivien est présente avec toujours cette réflexion autour de ce que vous avez évoqué, la femme damnée, la figure de l'auteur romantique. Alain Vaillant, vous nous avez expliqué que le romantisme naît de la culture bourgeoise, mais dans le même temps, le romantisme va transformer cette culture bourgeoise. Elle va se reconnaître au 19e siècle dans ses auteurs. Il faut rappeler combien ces auteurs romantiques ont connu un succès considérable. Là, s'il est question du lectorat, c'est gigantesque. Oui, alors ça c'est quelque chose d'essentiel parce que le succès des poètes romantiques sont l'équivalent l'équivalent du succès des chanteurs populaires aujourd'hui. Enfin, les vrais héritiers de Victor Hugo et de Lamartine, c'est beaucoup moins les poètes d'aujourd'hui que ceux qui sont capables de susciter la même émotion, la même sentiment, le même sentiment de fusion sentimentale avec la figure d'un auteur. Que l'on trouve donc dans d'autres formes d'expression. Et on n'imagine pas aujourd'hui l'extraordinaire onde de choc qu'a représenté la publication des Méditations de Lamartine en, en 1820. Mais je voudrais ajouter tout de même une chose, c'est qu'il ne faut pas imaginer que l'amour romantique soit l'amour seulement formulé par des poètes dans des vers précieux et admirables. Notre vision de l'amour aujourd'hui est une vision globalement romantique. Enfin, ce qu'on a dans les films hollywoodiens, dans la culture populaire, dans notre imaginaire familier, dans notre vie à nous aussi, nous sommes totalement imbus de cette vision romantique de l'amour, de cet idéalisme sentimental. Hein. Donc, il y a d'une part la question d'une culture littéraire et d'une culture artistique qui se développe évidemment dans les élites sociales, mais il y a aussi une diffusion massive, il y a une massification du sentiment amoureux parce que la société libérale bourgeoise a obéi à partir du XXe siècle à une logique de massification culturelle. Donc, il y a une massification culturelle de l'amour romantique de la même manière. Oui, cette fusion harmonieuse du spirituel et du corporel que vous évoquez, Alain Vaillant, c'est ce que nous cherchons encore aujourd'hui, en tout cas ce que l'on nous propose. Et vous parliez des méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, donc publiées en 1820, succès gigantesque. Mais nous allons en écouter un extrait, hein, lu par Jean Chevrier, et nous allons voir, je suis sûr que les auditeurs, les auditrices du cours de l'histoire vont se souvenir de leur lecture, en tout cas des lectures scolaires. C'est le lac. Tout à coup, des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Ô temps, suspend ton vol et vous, heureux propice, etc., etc. Le lac de Lamartine. Alain Vaillant, Lamartine, en 1820, publie ses méditations poétiques. Nous sommes à un moment phare du romantisme, mais le romantisme évolue. Il y a un aspect décadent du romantisme au sens où, mais ne serait-ce que par effet générationnel, il vieillit. Il paraît très vite un peu ringard pour les jeunes générations. Comment est-il perçu? Comment Lamartine, Vigny, Hugo est un cas sans doute différent par son engagement politique, mais comment les grands poètes romantiques sont-ils perçus par la nouvelle génération? Bah écoutez, moi je pense au Verlaine, au Rimbaud. Alain Vaillant. Alors, ah, vous étiez parti. Oui, alors c'est une question compliquée. Rimbaud. Ah, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, allez-y. Allô? Alors, nous avons un souci poétique et romantique, sans doute. Oui, non, Rimbaud écrit dans sa célèbre lettre... Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. En fait, il y a un décalage entre nous, mais c'est sans doute la temporalité. Ah. Vous savez, c'est une émission d'histoire. Au moment où je parle, le son arrive quelques secondes jusqu'à vos oreilles. Bon. Alors, je dis deux choses. La première, c'est que Rimbaud, dans sa célèbre lettre du voyant du 15 mai 1871, dit « Les romantiques eux-mêmes n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train d'inventer. Rimbaud, à sa manière, est un grand romantique. Alors, les premiers romantiques ont vieilli, effectivement, donc ils sont considérés comme des vieux poètes par les jeunes poètes, mais toute la poésie du XIXe siècle est irriguée par le romantisme. Baudelaire est un romantique déçu, mais il est profondément romantique. Les symbolistes aussi, et ceci explique que l'on puisse parler de René Vivien aussi dans ce mouvement romantique. Donc, il y a le romantisme au sens des manuels d'histoire littéraire, c'est quelque chose de très étroit, mais le romantisme romantisme, encore une fois, nous sommes encore dans ce moment romantique et il se transforme. Et évidemment, il y a différentes étapes de ce romantisme et les romantiques d'hier sont toujours dépassés par les romantiques du lendemain. Deuxième chose pour Lamartine, il ne faut pas oublier que ce Lamartine qui écrit en 1820 les Méditations et ce grand poème d'amour qu'est le lac est celui qui va proclamer la République en 1848. Le romantisme amoureux n'est pas dissociable du romantisme politique qui fait les révolutions. Et paradoxalement, le romantisme qui est le produit en effet de cette société bourgeoise va très vite, au moins en France et dans beaucoup d'autres pays, mener la contestation de cette société. Donc il y a aussi un romantisme qui se love dans les évolutions politiques et idéologiques. Il y a un romantisme, comme on dirait aujourd'hui, de droite et un romantisme de gauche. Bon, c'est, donc le romantisme est un très vaste mouvement de civilisation et qui ensuite s'adapte aux fluctuations des idéologies et des situations historiques. Oui, parce que cet aspect politique est intéressant lié au romantisme et dans le cas de René Vivien, il y a aussi, ne serait-ce que par sa posture, par ses choix de vie, un acte politique. Camille Isler. Oui, tout à fait. Alors, un acte politique qui est assez compliqué à gérer, puisque René Vivien n'aura de cesse toute sa vie de répéter la séparation essentielle entre son œuvre poétique et sa vie. Elle écrit sous un pseudonyme, hein, son vrai nom c'est Pauline Tarn, notamment pour éviter le scandale familial. Donc, la politique est au cœur de sa vie, pas tellement au cœur de sa poétique, quoique elle écrive elle-même dans son roman « Une femme m'a paru », justement, elle éclaircit son rapport justement à ce principe masculin dont je parlais tout à l'heure en disant « Les hommes sont des adversaires politiques que je me plais à injurier, or elle ne les injurie que dans sa poésie ». Donc il y a tout un jeu sur... elle sait qu'elle a un rapport politique nécessairement, qui lui est en fait imposé par sa position. Elle a un rapport d'ailleurs au début des luttes féministes qui est tout à fait clair, hein, puisqu'elle a écrit notamment dans le journal La Fronde, qui est un journal ouvertement féministe, qu'elle écrit dans ses lettres à Charles Brun. Elle s'amuse du fait que, en retouchant ses œuvres, elle se rend compte qu'elle a été trop ou pas assez féministe. Donc elle est dans un vrai engagement politique, même si sa position est surtout celle, et quand même celle d'une bourgeoise qui a vécu toute sa vie sans avoir besoin de travailler. C'est quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un lieu à soi, comme le dira plus tard Virginia Woolf. Donc, elle est dans une position à la fois politique et dégagée de la politique parce que elle n'est pas contrainte par des soucis matériels et aussi parce qu'elle se désengage fondamentalement de la vie mondaine qui est demandée à ce moment-là beaucoup aux femmes. Et donc, elle ne participe pas à des cercles politiques non plus. Et puis, dans ce regard que nous portons sur l'écriture romantique et l'engagement politique, il y a le moment de l'engagement politique. Ce moment très particulier, ou en tout cas le regard porté sur l'événement, c'est le cas pour Arthur Rimbaud qui écrit en juillet 1871, donc nous sommes juste après la semaine sanglante, La Commune, c'est un texte, hein. Les premières communions, il nous est lu dans le cours de l'histoire par Tatiana Werner. Des curiosités vaguement impudiques épouvantent le rêve aux chastes bleuités qui s'est surpris autour des célestes tuniques du linge dont Jésus voile ses nudités. Elle veut, pourtant l'âme en détresse, le front dans l'oreiller creusé par les cris sourds, prolonger les éclairs suprêmes de tendresse et bave. L'ombre emplit les maisons et les cours. Et l'enfant ne peut plus. Elle s'agite, cambre les reins et d'une main ouvre le rideau bleu pour amener un peu la fraîcheur de la chambre sous le drap, vers son ventre et sa poitrine en feu. Tatiana Werner qui lisait Les Premières Communions d'Arthur Rimbaud, donc un texte de juillet 1871. Alain Vaillant, que reste-t-il de ces romantiques? Vous nous avez dit que le romantisme est toujours présent, comme une évidence, et qu'aujourd'hui encore, nous revendiquons cette fusion, cette harmonie complète entre l'esprit et le corps. Mais qui se revendique des romantiques? Est-ce qu'il y a encore, sans cesse, après le moment phare du début du 19e siècle, des méditations poétiques de Lamartine que nous évoquions en 1820, des auteurs qui se revendiquent complètement des romantiques? Oh, il y a sans doute des auteurs, mais je ne sais pas s'ils sont les auteurs les plus les plus lisibles, si je puis dire. Non, je pense que le romantisme est quelque chose qui est plus inconscient. Bien, ceux qui parlent du romantisme retournent à ce romantisme historique et aiment le 19e siècle. Le problème, c'est qu'on confond souvent le romantisme et l'époque romantique. Donc on a ces images de Musset, de George Sand, de ce charme du 19e siècle. Le romantisme, c'est plus compliqué. Vous voyez, dans le discours politique, c'est quasiment un reproche lorsqu'on dit à un homme politique qu'il est romantique, c'est-à-dire qu'il est irréaliste, etc. Donc je pense qu'on a un rapport un peu compliqué et biaisé au romantisme pour cette raison-là. Et encore une fois, sa présence est beaucoup plus vivante qu'on l'imagine, parce que le plus souvent, on identifie le romantisme à cette caricature de romantisme, encore une fois, qui est un idéalisme exalté et irréaliste, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas, et puis il n'est pas nécessaire de mourir jeune pour être un poète romantique, parce qu'il y a toujours cette souffrance imaginée, enfin quoique, parce qu'il y en a plein qui terminent mal, mais pas tous. Hein. Mais on évoquait John Keats en début d'émission, qui meurt jeune, et ben, René Vivien, c'est le cas également. La vie de René Vivien est également son œuvre, Camille Isler. Il n'y a pas que ses écrits. Oui, alors oui et non. Le problème qu'on a eu beaucoup à lire René Vivien, c'est qu'on a voulu plaquer beaucoup son œuvre sur sa vie, ce qui était une tentation réelle pour ses contemporains, puisqu'il fallait justifier le talent d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite aussi, dans les lectures qu'on a eues ensuite de René Vivien, on a continué à considérer que son œuvre était une émanation de son existence. Alors il y a partout, effectivement, chez René Vivien, tout un jeu de références biographiques, mais en même temps, elle haïssait ce lien qu'on faisait entre son œuvre et sa biographie. Elle refusait qu'on lise ses poèmes devant elle. Elle avait un rapport à son œuvre qui était très dissocié quand même de son existence. Elle a eu en revanche une vie assez subversive, qui a beaucoup orienté la lecture de son œuvre vers sa biographie, oui. Oui, parce que cela est tentant, mais il y a comme une sorte, alors je ne sais pas si l'on peut parler de mise en scène de la part de René Vivien, il y a des photographies que nous pouvons voir quand nous cherchons un petit peu ce personnage, où elle se met en scène, et puis il y a tous ces voyages, il y a une forme d'existence qui termine un peu recluse, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a quelque chose qui fait que sa vie elle-même dénote avec la société bourgeoise de son époque, et vous voyez, je ne souligne même pas sa sexualité. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a tout un parfum de scandale autour de la vie de René Vivien qui a beaucoup fait qu'on en a fait avant tout une femme scandaleuse avant d'en faire une poétesse, ce qui est fort dommageable pour la suite, et puis qui maintenant essaye d'être réparée par les études plus précises de son œuvre. Eh bien, c'est ce que vous faites, hein, Camille Isler, avec la thèse que vous rédigez, René Vivien, une poétique sous influence. Il faut toujours citer son directeur de thèse. Oui, c'est Henri Seppi que je salue. C'est très important. Et vous nous donnez envie de lire et relire René Vivien. Merci beaucoup à vous, Camille Isler. Et merci aussi à vous, Alain Vaillant. Et je rappelle, qu'est-ce que le romantisme, hein, votre ouvrage au CRNRS Édition. Ou alors, l'amour fiction, discours amoureux et poétique du roman moderne. Et je vous rejoins, nous sommes toujours dans cette quête d'une harmonie de l'esprit et du corps. Merci Alain Vaillant. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, la mémoire de la Shoah dans les rues de Paris. L'histoire doit-elle s'inscrire de la même façon partout dans l'espace public? C'est la question posée par un conflit qui s'est noué entre la mairie de Paris et un groupe de citoyens pour la pose de Stolpersteine dans la ville, qui ont lancé une pétition pour faire pression sur les autorités municipales. Les Stolpersteine, littéralement pierres sur lesquelles on trébuche, sont de petits pavés incrustés dans le sol qui indiquent qu'une victime du nazisme, souvent juive, dont les noms et la date de naissance sont indiqués, a vécu à cet endroit. Leur créateur, Gunther Demnig, les a voulu à la fois œuvre d'art et hommage aux victimes de la Shoah, après avoir lui-même découvert que son père avait contribué au soutien du régime nazi à l'armée de Franco pendant la guerre d'Espagne. L'artiste en a d'abord posé quelques-unes clandestinement à Berlin, avant que les Stolpersteine ne deviennent un signe de reconnaissance mondiale, désormais autorisé et financé par les municipalités, d'une mémoire à faire vivre dans l'espace urbain. Depuis une vingtaine d'années, on a vu ces Stolpersteine se multiplier un peu partout en Europe, où l'on en compte plus de 70 000, créant un véritable mémorial à ciel ouvert, exception faite des villes de Munich et de Paris, qui ont refusé d'adopter ce matériel commémoratif efficace et prêt à l'emploi. En Allemagne, si leur pose semble largement approuvée, elles font pourtant l'objet de controverses. Les associations juives sont partagées. La plupart soutiennent cet immense mémorial à ciel ouvert. D'autres demandent que les pavés ne soient pas posés au sol, mais sur les murs des immeubles concernés ou sous le nom des rues. Parfois, les avis des associations juives et homosexuelles diffèrent, ce qui ne simplifie pas la prise de décision. D'après le texte de la pétition, la mairie de Paris aurait répondu à la demande de Stolpersteine qu'elles ne sont pas adaptées au travail de mémoire parisien. Les Juifs n'ont pas disparu de France, ils sont encore présents. Les Stolpersteine renvoient une image qui ne convient pas à la France où 75% des Juifs ont survécu. Par ailleurs, marqué d'un signe distinctif au sol, les lieux où les Juifs ont vécu ne nous convient pas. Marcher sur ces pierres ne constitue pas un symbole acceptable. Pour toutes ces raisons, le mémorial de la Shoah n'a jamais voulu s'associer à ce projet et nous partageons pleinement ses arguments. Fin de la citation. Si Paris les refuse, c'est Stolpersteine, d'autres villes françaises en ont fait poser comme à Bordeaux ou à Strasbourg. On a déjà pu remarquer une tendance à l'uniformisation mondiale de l'expression des mémoires dans l'espace public. Les déboulonnages de statues, de figures liées à l'histoire de l'esclavage, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Mais en ce qui concerne plus particulièrement la Shoah, si les musées qui s'y consacrent ont parfois un air familier, on peut retrouver les bancs de Jan Karski à plusieurs endroits. Ces bancs statues du sculpteur Karol Badina ont été installés à Kielce, à Lodz, à Cracovie et Varsovie en Pologne, mais également sur le campus de l'Université catholique de Georgetown à Washington et sur celui de l'Université de Tel Aviv en Israël. Les protestations virulentes et les déboulonnages particulièrement montrent une convergence dans le domaine de la demande d'histoire telle qu'elle s'exprime dans l'espace public. Doit-on pour autant adopter des formes de commémoration identiques ? Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le journal de l'histoire est à retrouver en ligne ou en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Odile Jouessel, Valentine Lovrens, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, nous nous sommes intéressés au sentiment amoureux. Oui, une histoire du sentiment amoureux. Les émissions sont à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et puis, vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, commenter ces émissions et discuter de l'actualité de l'histoire. Demain, Saint-Louis. Oui, qu'allait faire Saint-Louis en Égypte ? Sacrée question. À demain.